Thank you. Thank you. série na manhã de um novo amor. No meio do caminho tinha uma pedra. Et le verre rongera ta peau comme un remords. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un mur construit en arbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve des mains noires qu'un caveau plus vieux qu'une fosse creuse, quand la pierre au primat de poitrine poreuse, et tes flancs constituent un charmant manchat noir, empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds découvrir leur course aventureuse, le tambour constituant de mon rêve infini. Durant ces grandes nuits d'où nous sommes ébahis, tu diras, solitaire, pour tes âmes imparfaites, de n'avoir pas connu ce que pleure le mort, et le verre rongera ta peau comme un remords. Thank you. observando e abusando. Olha do outro lado agora, eu que simplesmente digo. Thank you. Ouvindo.